seul dans cette maison de silence, à traîner de pièce en pièce, à essayer de sentir ta présence. Seul dans ce sombre couloir, à coller les murs de tes yeux, essayer, essayer de te voir. Un cœur ne bat jamais seul, alors le mien se meurt. Je dois en faire le deuil qui ne sera plus jamais, jamais dans mes heures. Que le vent emporte tout ce qui me déchire, ce qui me rend fou. Emporte tout ça. Ne va jamais seul, alors le mien se meurt. Je dois en faire le deuil, tout sera plus jamais, jamais dans mes heures. Que le vent emporte tout ce qui me déchire, ce qui me rend fou. L'emporte tout ça au loin, toutes nos années. Chemin, et que le vent emporte tous ces souvenirs, ce qui faisait ce nous, et qu'il emporte.